Maintenant, je sais. Il n'y a qu'un seul Dieu sur toute la terre. Tu es mon seul Dieu. Et je veux que tu saches, mon amour pour toi ne passera jamais. Car je t'aime tellement. Ce que je veux, c'est de te servir. Si je dois le faire encore, je te choisirai. C'est la meilleure chose, vivre pour toi. Dieu, je t'aime, personne n'est plus grand que toi. Tu donnes à ton fils, tu donnes à ton amour. Et change ma vie complètement. Tu donnes à ta vie pour me libérer. Je te servirai pour le reste de ma vie. Oh, oh, oh, oh. Mon Seigneur, mon Dieu, je ne peux pas croire que tu mourras pour moi. Hey, quel sacrifice! Et Seigneur, en retour, je te servirai de tout mon cœur. Je bâtirai ton église. Oh, ce que je veux, c'est de te servir. Si je dois le faire encore, je te choisirai. Seule meilleure chose, vivre pour toi. Dieu, je t'aime. Personne n'est plus grand que toi. Tu donnes à ton fils, tu donnes à ton amour. Change ma vie complètement. Tu donnes à ta vie pour me libérer. Je te servirai pour le reste de ma vie. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Toute ma vision, c'est faire ta mission. Ma volonté, c'est ta volonté. Prêcher ta parole, bâtir son église. Je le ferai encore et encore, mon Jésus. Tu donnes à ton fils, tu donnes à ton amour. Et change ma vie complètement. Tu donnes à ta vie pour me libérer. Je te servirai pour le reste de ma vie. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tu donnes à ton fils, tu donnes à ton amour. Et change ma vie complètement. Tu donnes à ta vie pour me libérer. Je te servirai pour le reste de ma vie. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, va partout dans le monde et prêche l'évangile jusqu'à la fin de ta vie. Si tu m'aimes, obéis à la grande commission. Bâtis des églises partout. Oh, dans chaque pays, chaque province, chaque ville. Que l'Afrique soit sauvée. Mais dis-moi combien de temps prendra-t-il pour que tu fasses ma volonté. J'ai l'impression que j'attends en vain pour que tu m'obéisses. J'ai l'impression que j'attends en vain pour que tu fasses ma volonté. Toi, j'attends en vain pour ton amour. Toi, j'attends en vain pour ton amour. Toi, j'attends en vain pour ton amour. Toi, j'attends ma vie pour ton amour. Hey! Te rappelles-tu de ce que je t'ai dit? T'es bâti une méga église. Et je t'ai dit d'avoir une vision brûlante. Hey, hey, hey! Ta vision doit être grande. Mais tout ce que tu fais ne mène pas à la croissance. Tu penses aux autres choses. Je veux changer ta position. Je veux te remplacer et amener quelqu'un d'autre. Oh, parce que j'ai l'impression que j'attends en vain. Que tu m'obéis. Yeah. J'ai l'impression que j'attends en vain pour que tu fasses ma volonté. C'est pourquoi je te demande, toi j'attends en vain pour ton amour. Toi j'attends en vain pour ton amour. Oh, oh, oh. Toi j'attends en vain pour ton amour. Oh, oh, oh, oh. Toi j'attends en vain pour ton amour. Pourquoi es-tu si dur? Pourquoi es-tu si difficile? Pourquoi ne pas bouger? Pourquoi ne pas changer? Toujours des excuses. Une méga église, mais beaucoup des excuses. Oh oh oh oh oh, plus en plus excuses. Franchement, je ne crois pas que tu m'aimes. Ton cœur est ailleurs. Si tu m'aimes. Si tu m'aimes, tu m'obéiras, tu travailleras plus dur. Mais j'ai l'impression que j'attends en vain, j'attends en vain, j'attends en vain pour que tu m'obéis. J'ai tu fasses ma volonté. Je t'aime des mains.

arise and shine, your light is come. The Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen. Whoa. Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. It shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established. It shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountain, and shall be exalted above the hills and all nations. It shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established upon thee. Yeah. It shall be exalted above the hills, and all nations shall flow. It shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established. For the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. For the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Upon thee, yeah. His glory shall be seen upon thee, yeah. Hallelujah. Are you being blessed with? Wow. Wow. When you listen to such music, quand vous écoutez les chansons you'll comme be ça, filled with the Spirit. Soyez rempli par l'esprit. The Bible says, be filled with the Spirit. La Bible dit d'être rempli par l'esprit. Speaking to yourselves, parlant les uns les autres, with spiritual songs, avec les chansons spirituelles, and psalms, et les psaumes, and hymns, et les hymnes. Amen. Amen. Father, thank you for anointing Mission International Jésus qui guérit. Père, merci d'avoir oint la Mission Internationale Jésus qui guérit. Thank you that in the last days it shall come to pass that Mission International Jésus qui guérit shall be established in the top of the mountains. Merci parce que dans les derniers temps, la Mission Internationale Jésus qui guérit sera établie au sommet des montagnes. And shall be exalted above the hills. Elle sera exaltée au-delà des collines. And many people shall come and say, let us go into the mountain of the house of the Lord in Mission International Jésus qui guérit. Et beaucoup viendront en disant, allons à la maison de l'Éternel qui se trouve dans la montagne de la maison de l'Éternel, à la Mission Internationale Jésus qui guérit. And they shall be healed. Et ils seront guéris. And they shall be blessed. Ils seront bénis. They shall be delivered. Ils seront délivrés. Thank you that many people here are going to be ministers of the highest dimension. Merci parce que beaucoup ici seront des ministres d'une dimension plus haut. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. You may be seated. Asseyez-vous. Do you want to go back inside? Vous voulez aller dans la salle? Ah. When we were there, you said you didn't want to come Mais here. Quand on était là, vous avez dit now que vous ne voulez pas venir ici. Maintenant, vous êtes ici, vous ne you voulez pas venir. You have to make up your mind. Vous devez faire une décision. How to block demons permanently from Mission International Jésus Kigeri. Comment bloquer les démons de manière permanente dans la mission internationale Jésus qui guérit. Amen. Amen. One day, un jour, I met a mason. J'ai rencontré un maçon. Do you know what is a mason? Vous connaissez ce que ça veut dire un maçon? And the mason said to me, showed me, he said, do you see this house? An armed robber can enter. Et le maçon m'avait montré que vous voyez cette maison, un braqueur peut entrer. And I said, how? Et je lui ai demandé comment. And he showed me. Et il m'a montré. I was shocked. J'étais choqué. And he said to me, et il m'avait dit, most armed robbers are construction workers. Beaucoup de braqueurs sont des personnes qui travaillent dans les œuvres de construction. And so they know how to enter. Donc ils connaissent comment entrer. And I was standing with him at a building site of a new almost completed house. J'étais avec lui à un chantier de construction. And he showed me about five ways. Et il m'a montré cinq moyens to enter the house, the house which has been completed. D'entrer dans une maison qu'on a fini de construire. I was shocked. Et j'étais choqué. And he showed me that most armed robbers only move around with a screwdriver in the pocket. Et il m'a aussi montré que les braqueurs, ils bougent avec des tournevis dans leur poche. Yeah. Oui. And they can enter so many places. Et il peut rentrer dans plusieurs endroits. So that day I learned how to block armed robbers. Donc ce jour-là, j'ai appris comment bloquer les braqueurs. From an average house. Au moins d'une maison moyenne. But I didn't know before. Mais avant, je ne so savais pas. So now, when I drive by, see houses, I immediately start to think, hey, this one, when you do this and this, you know, you are inside. Oh. Maintenant, quand je passe par les maisons, je peux regarder et dire, hey, cette maison-là, tu peux rentrer en faisant ceci et cela. Now, as the demons are moving around, alors que les démons bougent, ils se baladent. Maybe there are some even on this tree. Peut-être il y en a même sur cet arbre. And they are looking down at apartments and villas, mansions, accommodations. Et ils sont en train de regarder les appartements, des villas, des hébergements, des châteaux. You look like watermelons to the demons. Et vous ressemblez aux pastèques, aux démons. Hey, hey. Now, maintenant, you are going to learn vous allez how to permanently block out any type of demon that is trying to try to come to you. Vous allez apprendre de bloquer de manière permanente tout démon qui va essayer de venir vers toi. Amen. Amen. And then we are getting towards the end of this camp. Amen. Amen. Et puis nous serons sur le point de clôturer ce camp. How many know that demons are defeated in your life after this camp meeting? Combien ici savaient déjà que les démons ont été déjà vaincus dans vos vies? Me, I know God hears my prayers. Moi, je sais que Dieu entend mes prières. This is when I'm praying, I can feel that it's as if there's a microphone with a loudspeaker in heaven. Dans when, I speak, the speaker is speaking in heaven. Dans ces jours, quand je prie, je sais que j'ai un microphone dans ma main et les baladeurs, les baffles au ciel. Et chaque fois que je prie, ça sonne au ciel. Au ciel. Oui. And I also know that these evil spirits, they are real. Je sais aussi que tous ces esprits impurs sont réels. Yeah. Oui. And you can see here the darkness. Et vous pouvez voir ici le ténèbre. There's water here. Il y a de l'eau là-bas. All snakes can swim. Et tous les serpents peuvent nager. There are creatures. Il y a des créatures. The noises you are. Everybody be quiet. Soyez calme et écoutez. Don't talk. Ne parle pas. Are you hearing some sounds? Est-ce que vous écoutez, vous entendez des quiet. Sons? If each sound is an animal. Chaque son c'est un animal. Yeah. Oui. Yeah. Oui. You can't see them. Tu ne peux pas les voir. But they are there. Mais ils sont là. And that's the realm of darkness. Ici c'est la domaine du ténèbre, de ténèbres. The Bible says that the angels which sin have been kept in darkness. La Bible dit les anges qui ont péché ont été gardés dans les ténèbres. So that's the zone. Donc voici la zone. Yes. And oui. They launch from there against you. Et maintenant ils lancent des choses de là contre vous. So now you are developing a proper blockage. Maintenant vous allez développer un très très bon blocage. The first blocker is the belt of truth. Maintenant la première chose pour utiliser pour bloquer c'est la ceinture de vérité. Amen. Amen. Now, I want to show you how to operate the different sectors of your protection. J'aimerais vous montrer comment opérer les différents secteurs de votre protection. Number one, every time you tell lies. Numéro un, à chaque fois que vous dites les mensonges. Or you operate in deception. Ou bien vous opérez dans la tromperie. The belt is loosened. La ceinture, ça tombe, ça tombe. And that side is unprotected. Et cette partie maintenant devient non protégée. So truth, every time you play a mistake with truth, you open up a section of your life, of your protection, is exposed to demonic attack. Chaque fois que tu joues une erreur avec la vérité, tu t'ouvres pour les attaques démoniaques. So let us take example number one. If you are deceived about the will of God for your life, you open the door to demons of destruction. L'exemple numéro un, quand tu te trompes par rapport à la volonté de Dieu pour ta vie, tu t'ouvres pour les démons de destruction. If the will of God is this, and you are deceived, and you think that the will of God is that, something else, you expose yourself to danger. Si la volonté de Dieu est ceci, et tu penses que tu t'es trompé, tu penses que c'est cela, tu es en train de t'exposer à la destruction. Hallelujah. Are we understanding the importance of truthfulness? Est-ce que vous comprenez l'importance de la vérité? Are you understanding it? Est-ce que vous comprenez cela? I really believe that this camp is also opening us up to holiness and righteousness. Je crois que ce qu'on nous ouvre vers la sainteté et la justice. Because there are some of us that this aspect of Christianity is cut off from our lives. Parce qu'il y a certaines parmi nous, cet aspect de christianisme est coupé de nous. When we look at your life, apart from the Bible you are holding, we cannot see anything about righteousness or holiness or truth in your life. Si nous analysons votre vie à part la Bible que vous tenez en main, on ne peut rien voir de la sainteté et de la justice dans votre vie. Now, this area Bishop is teaching us about is a whole completely different area from praying in tongues. Cet aspect sur lequel l'évêque nous enseigne est totalement différent du fait de prier en langue. And we who are pastors and shepherds and leaders must take note of this very important aspect. Et nous qui sommes des pasteurs, des leaders, nous devons prendre note de ceci. Amen. Some of us, when you open your mouth, the only thing that comes out is deceit and lies. Certains parmi vous, quand vous ouvrez la bouche, la seule chose qui sort, c'est la déception et les mensonges. And it is great to have Bishop bring this out clearly for us to understand that by living that way, you are opening your life up to demons and wicked spirits. Et par ce message de l'évêque, nous avons appris que si vous vivez dans cette manière, vous ouvrez vos vies pour des esprits maléfiques et de mauvais esprits. And I believe that right after tonight, that door is shut permanently to demons and to wicked spirits. Je crois qu'à partir de ce soir, cette porte sont fermées contre les démons et les mauvais esprits. Amen. Amen. So you must not allow deception or self-deception about anything. Donc vous ne devrez pas Don't allow yourself to be deceived. Ne te laisse pas être trompé. Once you allow yourself to be deceived, une fois que tu te laisses être trompé, you open yourself up to evil spirits. Tu ouvres toi-même aux esprits impurs. If you are a woman, si tu es une femme, and you are deceived about how beautiful you are, et tu es trompé par rapport à ta beauté, immediately the door opens. Immédiatement la porte s'ouvre. Anything you just allow deception, suddenly the door just goes. Dans toute chose, quand tu laisses the, la tromperie, the demons in the realms get an email immediately. Et les démons dans ce domaine, ils aident des emails. Three doors are open. Trois portes sont déjà ouvertes. One of the windows is open. Et il y a une fenêtre qui est déjà ouverte. And then they say, let's go there. Et ils disent, allons là-bas. So if you accept a deception. Donc tu, quand tu acceptes une tromperie, so beautiful, que tu es si belle, you open the door to a spirit of marriagelessness. Tu ouvres une porte de sans mariage. You will be surprised that many beautiful girls don't get married. Tu seras étonné que beaucoup de belles filles ne se marient pas. More average girls marry than beautiful girls. Les filles de beauté moyenne se marient plus que les plus belles filles. More average girls get married than beautiful girls. Les filles de beauté moyenne se marient plus que les filles plus belles. Les filles. Because when you say, oh, I'm so beautiful. Parce que elle se dit, je suis très belle. People need me. Les gens ont besoin de moi. BMWs have been stopping to pick me. Les BMW s'arrêtent pour me prendre. This man said I was the most beautiful he has ever seen. Il y a un homme qui avait dit que je suis la plus belle qu'il n'a jamais vue. I'm too good for everybody. Je suis trop bon pour tout le monde. Gradually, et puis, petit marriagelessness, ce manque de mariage. Ça vient dans ta vie. Yeah. Oui. When you are deceived. Quand tu es trompé. So as soon as you believe something wrong. Donc dès que tu if tu you crois, marry. Quand tu te maries. And you feel. Et tu penses que. Oh. What is this man? Ça, cet homme même, il est qui? I just do whatever I want to do. Je peux faire ce que je veux. And you'll be surprised. Tu seras étonné. That your lie, you open the door straight away the demons of whatever coming. Ouvert une porte pour any des démons. Area you are deceived about, dans tous les domaines de ta vie où tu t'es trompé, open door. Il y a une porte ouverte. Yes. Oui. When you are deceived about sex, quand tu t'es trompé aussi par rapport au sexe, you open the door. Tu ouvres une porte. If you are deceived, you think, oh, it's not important. Quand tu te trompes et tu dis, oh, le sexe n'est pas important. Or it's demonic. Ou bien c'est démoniaque. Or it's worldly. Ou bien c'est quelque chose de mondain. You just open like this. Tu ouvres une porte. One day, un jour, I was with a sister. J'étais avec une sœur. And I said, "How old is your baby?" Et je lui avais demandé, ton enfant à quel âge? She said, "My baby is about 1 year, 1 month, or 11 months." Elle avait dit, mon enfant a un an, un mois, ou bien 11 mois. One year, about 3 months. Un an, 3 mois. So I said, "Oh wow." Et je lui ai dit, wow. And then I asked a question that I ask. Et j'ai demandé une question que j'aime demander. How is sex? Je lui ai dit, comment être votre vie de sexe? Oh, since the baby came, we haven't had... Oh, depuis que j'ai accouché, on n'a pas encore fait le sexe. As soon as she said that, then I said to her, because when you are, you see, what it is that this super spiritual Christian sisters from... Vous voyez, des sœurs sur-spirituelles, super-spirituelles, chrétiens... From Virgin Mary schools, qui ont fréquenté des écoles de Vierge Marie, they sometimes, quelquefois, they don't know the importance of certain things. Elles ne savent pas l'importance. And when you talk about it, as if you are, oh, you are a man. That is why you are talking like that. Quand tu parles des choses comme ça, elles disent que tu es un homme. C'est pourquoi tu parles comme ça. Immediately, because you know that when you are deceived about, she is a very spiritual sister. Elle est une sœur very prayerful. Elle prie beaucoup. Very much into the word of God. Elle est aussi dans la parole. But deceived Dieu. About sex. Mais elle était trompée du sexe. I told her I am sure. Je lui ai dit, je suis well, sûr. I told her I hope I am wrong. Je dis, j'espère que j'ai tort. That I wouldn't be surprised. Je ne serais pas étonné if your husband si ton mari is getting it from somewhere. Elle est en train de faire le sexe dehors. And I was not wrong. Et I wish I was wrong, but I was not wrong. Je souhaitais que j'avais tort, mais je n'ai pas tort. Je n'étais pas tort. Je n'avais pas tort. What is he saying? Yeah. Oui. Now. Maintenant. One day I watch a film. Un jour j'ai regardé un film. And the film is called Jurassic Park. Le film c'est Jurassic Park. Have you watched it? Vous avez regardé ça aussi? The man landed on an island. L'homme est atterri sur une île. And one of them was shouting, and he told him, "Don't shout here. Oh, there are dinosaurs here." Et il y avait un homme qui criait et lui dit, "Ne crie pas, il y a des dinosaures ici." Hey, hey. And the dinosaurs heard him shouting and came. Et les dinosaures ont entendu les cris et ils sont venus. Said? Et vous savez ce qu'il a dit? He said, "I hate being right all the time." Et il lui a dit, je n'aime pas quand j'ai raison tout le temps. I hate it. Je hais that I'm right. Que tout le temps j'ai and raison. What I said is happening. Parce que ce que j'ai dit, c'est ça qui se passe. So any area, donc tout du domaine, where you are deceived, quand tu t'es trompé, there is a clear window opening and the demons can see. They get email, there's a window here upstairs, there's a door here, there's a front door, it's wide open. Somebody, the front door is open, some the back door is open, one of the windows, because you are seen as an apartment, you are seen as a flat, you are seen as a mansion. Parce que il te voit comme une you villa. Are seen as a watermelon. Il te voit comme un pastèque. Donc, dès que tu te trompes un peu, il y a une vraie fenêtre qui s'ouvre. Les démons commencent à voir des emails qu'il y a une fenêtre qui est ouverte et ils commencent à venir. When you are deceived about the church, quand tu t'es trompé, pastors are deceived about the church. That, oh, the church, a lot of people are coming. Quand les pasteurs aussi se trompent de l'église, oh, beaucoup de gens viennent à l'église. They are okay. Ça va ici. Then you open the door to demons of decline. Maintenant, tu ouvres une porte des démons de chute. Every time you are deceived about something, à chaque fois que tu t'es trompé de quelque you chose, drop the section. And it's flagged straight away in the spirit. Tu ouvres une porte et puis maintenant, dans, en esprit, ils sont tous au courant de ça. One day, un jour, I was called about a boy who went mad. On m'avait appelé concernant un garçon qui était devenu fou pour prier pour lui. During demons started to manifest, and when we were casting out the devils, I decided to ask him, not this boy, it was a lady. Ça, même so how did you dans, come here? Pendant la prière, je demandais au démon, comment est-ce que tu es rentré en elle? And the demon said, the belt of truth was loose and I came through there. Le démon a dit, la ceinture de vérité était déliée, c'est pourquoi je suis rentré en elle. Yeah. Oui. Every time you tell a lie, no. Chaque fois tu dis un mensonge. That's why I say to people, when they ask you something and you want to lie, rather don't talk. C'est pourquoi je dis souvent rather aux gens, don't talk. Quand on te demande quelque chose, tu veux mentir, ne parle pas. Just say, excuse me, I'm coming just now. Then you go away. Il faut dire, excuse-moi, je reviens maintenant, et puis tu sors. Because once you tell lies, parce que dès que tu dis un mensonge, it's open. La porte est ouverte. Yes. Oui. And then the signal. Et maintenant, il reçoit un signal. From the darkness. Come. Depuis le domaine de ténèbres, de venir. They go back to the house. Donc ils rentrent maintenant dans la maison. Enter in. Ils entrent dans la maison. So me, I'm afraid of telling lies. Moi, j'ai peur de dire des mensonges. If it happens, I don't want to talk. I will not talk. My answer will be no. Something. Si je ne dois pas parler, je ne parle même pas, je dis rien. I'll see you just now. Je vais te dire, je vais te voir maintenant. J'arrive. Yes. Oui. My mother told me many years ago, she said, your father doesn't tell any lie. Ma maman when I was a child. Quand j'étais enfant, ma maman m'avait dit. It made me believe that, I mean, you will not tell a lie. Parce que quand j'étais petit, ma if maman... If as a pastor, I say... Quand, en tant que pasteur, j'ai dit... Give offering for this. Il faut donner offrande pour cette chose. I'm lying. Et puis je suis en train de mentir. And it's flag. Et on reçoit des signes. One day I was with a pastor and he told me. Une fois j'étais avec un pasteur, il m'avait dit. When I go back home, I'm going to buy you a watch. Quand je repars à la maison, je vais t'acheter une montre. I'm going to buy a watch for you. Je vais t'acheter une montre. He never bought the watch. Il n'a jamais acheté la montre jusqu'aujourd'hui. And many other things he said. Et beaucoup d'autres choses qu'il m'avait promis. À part la montre. All were not true. Tout n'était pas vrai. And I could see. Et je pouvais voir. Many problems. It was the things the person said that were not true. Les choses qu'il disait qui n'étaient pas vraies. That made me know that evil spirits were working in the person's ministry. C'est ça qui m'a fait voir qu'il y avait des esprits mauvais qui travaillaient, œuvraient dans son ministère. One day, un jour, un certain pasteur, he was invited to preach. Il était invité pour prêcher, but he couldn't come. Mais il n'a pas pu aller prêcher because I think he wasn't well. Parce qu'il ne se sentait pas. So he called and said, "When you go, tell them that I had to go to South Africa for an emergency." Donc il so a that's dit, why I'm not in town. Donc il a dit à quelqu'un, va et dis-le que je dois aller en Afrique du Sud pour faire quelque chose, donc je ne suis pas en ville. Immediately what? Immédiatement, qu'est-ce que se passe? You will know that there are other problems in the person's ministry, even though he's got a big church. Tu sauras qu'il y a beaucoup de problèmes dans le ministère dans cette personne parce que son église même n'est pas grande. Anybody who doubles in lies. Toute personne qui nage dans either les mensonges. You telling a lie, soit tu dis la mensonge. You being deceived, ou bien tu as été trompé. Or you deceiving somebody, ou bien c'est toi-même qui trompes quelqu'un d'autre. Or you pretending lies I tell you, ou bien tu prétends les mensonges, je vous dis, I didn't write the Bible. C'est pas moi. It's called the belt. La Bible l'appelle. And the belt, those belts are huge. La Bible l'appelle la ceinture. It's just off like that. So you see, there's a big gap. It's like a lady wearing a dress that covers the breast up to here. Then she has trousers from here, but between the trousers and the top, there is, I don't know what it's called, but you can see the skin. Uh-huh. So it's like as you are walking, they can see the direct. It's like that gap is there. La ceinture est si grande jusqu'à ce que c'est comme une fille qui porte pantalon en bas quelque chose et puis chemise en haut, mais entre chemise et pantalon il y a espace dont tu vois le ventre de la fille. Sans la ceinture, les démons voient ton ventre vite comme ça. One day I was walking with somebody and I wanted to buy something. So I saw and I saw, how much is it? They said $40. Un jour, je voulais acheter quelque chose. J'ai demandé le prix. On m'avait dit que c'était $40. And the person was trying to help me. Il y avait quelqu'un qui voulait m'aider à côté de moi. And told the person who was selling. La personne a dit à personne qui. Oh, this thing that you are selling $40. Cette chose là que tu vas vendre. That man over there is selling it for $25. L'homme qui est là, il vend ça pour $25. But I didn't say because we were in front of the. I think it was a Chinese person who was selling. She was bargaining. As soon as we left, I called. I said, "Look, there is no need to lie. There is no need to lie. Come on, to bargain, or there's no need to lie to buy something. Or if you think you are helping me, it's dangerous. Come on, if you are not spiritual, you what I'm saying is now you just." Be flowing in your life. It's lying. It's dangerous. Yeah. Quand on avait quitté la boutique, j'ai dit à cet ami là que tu ne dois pas mentir pour négocier pour acheter quelque chose parce que c'est dangereux. It's dangerous. C'est dangereux. You got to learn it. Tu dois apprendre cela. You got to believe it. Tu dois croire aussi. Many of us, beaucoup d'entre nous, we are walking with middle stomach. Nous marchons avec les ventres nus. Rarely do you see a person who is just a liar. It's usually a liar and a thief, a liar and a fornicator, a liar and it's not. Demons move in gangs. Demon gangs. Les démons, ils bougent en groupe. Il sera rare de voir quelqu'un qui est menteur seulement. Ce soit un menteur, voleur, menteur, quelque chose d'autre. The church in America and many foreign churches have a mind that, oh, we don't need to go into all the world. I was talking to one pastor. He said, oh, once you are in Africa, we don't need to go into all the world. L'église aux États-Unis et aussi dans d'autres places pense qu'on ne doit pas aller dans le monde entier. Et il y avait un pasteur qui m'avait dit ça. He said, once you are in Africa, an American doesn't need to go. Il a dit, comme tu es en Afrique. Which you see, and I told him that, Matthew 28, go into all the world. It's not an African verse for Africans. It's a verse in the Bible to all of us. Il go into all the world and preach the gospel. Il m'avait dit que comme tu es en Afrique, on n'a pas besoin de venir là-bas. Et je lui ai dit, Matthieu 28, ce n'est pas un verset pour les Africains. C'est un verset pour tout le monde. Il a dit d'aller, nous devons aller. Immediately, the church in America is exposed to so many evils. Et vous voyez que déjà l'église en Amérique est exposée au mal. You are deceived. Parce que tu es trompé. About a very major thing. De quelque chose très majeur. Very major. C'est majeur. So that is a first permanent block is to permanently block out deception and lies. And of course, our lives are not perfect. So it's not everything you may want to say. Et c'est vrai que nos vies ne sont pas parfaites. Ce n'est pas toutes les choses qu'on on peut dire. Mais il faut savoir qu'en utilisant cette ceinture, tu bloques toutes les entrées du diable dans ta vie. Even though you don't want to say, talk about everything, the best is to say nothing. C'est vrai que at least you haven't lied. C'est vrai que tu ne peux pas dire beaucoup de choses. Donc, c'est mieux de te taire. Il ne faut pas parler. En faisant cela, tu n'as pas menti. The second permanent area of blockage is the breastplate of righteousness. which is a large area on your whole chest. Then the demons are walking and they are seeing you as a moving house. Instead of having a metal in front, it's gone. Le deuxième blocage, c'est la cuirasse de la justice. Et c'est un fer qui est grand, qui couvre la poitrine. Donc, quand tu n'as pas ça et tu marches, les démons voient que tu n'as pas de protection devant toi. So, every time you practice any type of unrighteousness, chaque fois tu pratiques quelque chose qui n'est pas de justice, you remove that plate. Tu enlèves put it down. Se faire la cuirasse. Every sin is part of righteousness. Tout péché, ça fait partie de l'injustice. And it opens up to a lot of devils. Ça t'ouvre aux démons. Especially, number one greatest sin is disobedience. En particulier, le péché numéro un, c'est la désobéissance. To God's direction for your life. Aux directions de Dieu pour ta vie. Yes. Oui. When he says go, he says, I'm staying. Quand il dit va, when he says stand, I'll sit. Tu dis je suis là. Il dit all kinds of devils start. That's why one problem is never alone. It's always have this and that. C'est pourquoi un problème ne marche pas seul. Tu vois problème marche avec un autre problème avec un autre problème. In francophone, sexual sins. Each time you commit your sexual sins, you remove your breastplate. Dans la francophonie, à chaque fois que tu commets le péché de la fornication, tu enlèves la cuirasse de la justice. So, how many of you want to be pastors? Combien veut être pasteur ici? So, you cannot be a pastor. Tu ne peux pas être pasteur. And sleep with people. Et coucher avec les gens. You cannot. Tu ne peux pas. When you do. Quand tu fais ça, maybe nobody will know. Personne ne saura. But in the spirit, mais en esprit, you remove your breastplate. Tu as déjà enlevé la cuirasse de justice. And put it on the ground. Tu as posé so ça par terre. So you are walking without anything at this side. Tu marches poitrine nue, rien. Even though nobody knows, bien que personne n'est au courant, you, ça t'affecte. Because other spirits, parce que les autres esprits, they spot it immediately. Ils voient ça c'est immédiatement. C'est comme une réaction immédiate. Ils voient ça et ils viennent vers toi. Yes. Oui. One day, un jour, the Holy Spirit showed me somebody. Le Saint-Esprit m'a montré quelqu'un walking in a certain kind of sin. Qui marchait dans un certain sort de péché. And he showed me watch how he's going to die. Et il m'avait dit regarde comment il va mourir. Watch how he's going to die. Pour regarder comment il va mourir. He has shown me a number of times. Il m'avait montré ça plusieurs fois. Watch for regarder. What this? Pour regarder ça. Yes. Oui. Things don't just go. It's not about whether people know. Il ne s'agit pas si les gens sont au courant de ça. What even people know may be a wrong impression. Ce que les gens if you are a pastor, you always have people that have a wrong impression about you. Ce que les gens that is not what matters. Ce que les gens connaissent de toi peut être une mauvaise impression. What matters? Ce qui est important, is, of course, God's opinion. But now I'm talking about the demons. Il y a l'opinion. They see. Les démons voient. C'est ça, they see also. Diseases should come. Et il voit dire la maladie doit venir à cette personne. Yes. Oui. So all this HIV we have, gonorrhea, HIV, hepatitis B, la gonococci, it's all from hepatite. The breastplate of righteousness is gone. They just hear, then they start jumping from tree to tree, come out, then they come, bam, then they enter. Oui, toutes ces maladies, gonococcie, le VIH, sin. Ce sont des démons qui viennent. Tout péché, yes. Oui. Lies, les mensonges, fornication, la fornication, adultery, l'adultère, homosexualité, l'homosexualité. What are that? Number one, disobedience. La première chose, numéro un, c'est la désobéissance. That's number one. Peu importe le péché, c'est numéro un, la désobéissance. Amen. Amen. Are you still around? Est-ce que vous êtes toujours là? Every gap in your life is blocked in Jesus' name. Tout espace dans ta vie est bloqué au nom de Jésus-Christ. Committing idolatry, worshiping idols. Commettre l'idolâtrie, adorer les idoles. Opens the door. Ouvre la porte. To devils. Au diable. Amen. Amen. Now, you may see a little stone and you say, what is wrong if I bow down to it? Tu peux voir un petit caillou, une petite pierre, mais si je me prosterne devant ça, ça fait quoi? It opens the doors. Mais ça ouvre des portes. And the demons start to come in through the Les chest. Les démons commencent à venir entre à travers le poitrine. People who follow money as an idol. Ceux qui suivent l'argent comme une idole. They have so many problems. Ils ont trop de problèmes. So many issues. Beaucoup de situations bizarres. Because the real God that was leading them was money and not God. Parce que le vrai that Dieu. Is why you see that most of the people who should have prospered and who should have been very rich have almost nothing. C'est pourquoi, c'est ça, parce que le vrai Dieu n'était pas Dieu, mais c'était l'argent. C'est pourquoi les gens qui devraient prospérer jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont presque rien. Recently, I sent one of my pastors. I didn't send him. He went to America. Récemment, un de mes pasteurs est allé aux États-Unis to visit. Pour aller rendre visite. And he came back and he said to me, Bishop, I just want to thank you for sending me as a missionary to Africa somewhere. Quand il était venu, il a dit, Bishop, merci beaucoup de m'avoir envoyé en Afrique quelque part. When I visited my relatives in America, all that they have are debts. That's the only thing they have. Quand j'ai visité les parents aux États-Unis, j'ai constaté que tout ce qu'ils ont, ce sont les dettes. Yeah. Et moi, je ne dois personne. Because when you worship money, parce que quand tu adores money l'argent, tell you to even leave your church. L'argent va te dire money de même will quitter let ton you église. Leave your ministry. Qu'il faut quitter money ton ministère. Will let you leave your calling. Faut quitter ton appel. You just set aside. God says money, eh? Dieu dit okay. L'argent. And it opens. You see the demons. Ça ouvre les portes. Les démons entrent. Yeah. Oui. Yeah. Oui. Other demons. Deceptions. La tromperie. One day I saw somebody prosper. Small prosperity. I went and got a loan. Une fois j'ai vu quelqu'un. Il a prospéré un peu. Il est allé chercher un prêt. Up till today, he cannot pay. Jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à payer. You know, one of the things when I decided to serve God, what God has done for me. Une des choses Dieu a fait pour moi dès que j'ai servi Dieu. He impressed on me that I shouldn't borrow money. Il m'a impressionné de ne pas prêter de l'argent. As you see here, tout ce que vous voyez ici. Any. Only let's say they are working. We haven't finished paying. Ils sont en train de travailler. On n'a pas fini de payer. Do all the nothing. Il n'y a rien comme un prêt. Personally, I don't owe any. Personally, to pay. Je ne dois rien à personne. If you give me one CD, I'm one CD richer. Si tu me donnes un CD, je suis plus un CD riche. Yeah. Oui. Fantastique. Fantastique. Is it amazing? It's amazing. Est-ce que c'est étonnant? C'est étonnant. Don't expose your chest. N'expose pas ta poitrine from today. À partir d'aujourd'hui. When you don't forgive, quand tu ne pardonnes pas. When you don't forgive, quand tu ne pardonnes pas. You see, I don't want to embarrass you, but if I ask you, remove your shirt and sit here. Écoutez, je ne veux pas t'embarrasser. Somebody will advise you. You know, I think you should put on your shirt. Je ne veux pas t'embarrasser, mais you may get sick. Something may happen to you. Si, je te demande d'enlever ta chemise. Quelqu'un va te dire, écoutez, il faut porter parce que tu peux tomber malade. Don't expose your chest. N'expose pas ta poitrine. Don't expose your belt area. N'expose pas aussi cette domaine où on met la ceinture. By lying, à travers les mensonges, by stealing, à travers les vols. People steal in the church. Les gens volent dans les églises. Demons are, you, you see, demons will follow you. Les démons sont partis, vont te suivre. Yes. Oui. One day a man came to steal from somebody. Un jour, and I spoke a curse over him. The next time I heard his name on the television that he was dead. Un jour, un homme est venu voler quelque chose et j'ai déclaré une malédiction. La prochaine fois, j'ai entendu sur à l'écran, il était mort à la télé, yes. Décédé. When you steal, quand tu voles, even they may not catch you. Peut-être on va pas t'attraper. That's why when you are a pastor, you see that you are praying for people. You don't know this. Look, one day a friend of mine told me that he was with his roommate. In the night one day, his roommate said, I want to tell you something. Et son ami, commandant de chambre, a dit, je vais te dire quelque chose. What is it? Qu'est-ce qu'il sait? He said, oh, no. Tu sais? Some time ago, last year. L'année passée, I killed somebody. J'ai tué quelqu'un. Hey! His roommate. In the university. Son camarade de chambre à l'université. He killed him. Il dit, j'ai tué quelqu'un. Look, he was one of my best friends. He told me, look, I became afraid in there. Il était, I realized that my roommate was a murderer. Il était un ami de moi. Il m'avait dit il avait peur parce que people are moving around. So many things we have done. They are drawing curses. Beaucoup de personnes, il y a beaucoup de choses que nous avons fait qui attirent les malédictions sur nous. Yes. Oui. Don't expose your chest area. N'expose pas ta poitrine. Through any type of sin. Tout genre de péché. Manque de pardon. Pride. L'orgueil. It just opens up like that. Ça s'ouvre comme ça. You just pray. Et puis, it's like you might as well take off your chest. If I start to do that now, you all see that in the natural, I remove my shirt. So by this preaching, I should remove my shirt and my belt. Vous voyez, si it's getting worse. Si j'enlève ma chemise et puis ma ceinture à travers même la prédication, vous allez voir que c'est devenu un peu bizarre. All those who have idols. Tous les gens qui ont les idoles. They are going off you in Jesus' name. Les idoles sont en train de vous laisser au nom de Jésus-Christ. Number 3, don't expose your feet. Numéro 3, n'expose pas tes pieds. Don't expose your feet. N'expose pas tes pieds. By not preaching the gospel. De ne pas évangéliser, prêcher l'évangile. Yeah. Oui. He says that your feet should be shod with the preparation of the gospel of Il a dit, afin as que soon as you stop preaching the gospel, certain demons start coming to your life. Quand vous arrêtez de prêcher l'évangile, certains démons entrent dans ta vie. Amen. Amen. Not preaching the gospel opens a gap and allows demons into your lives. De ne pas prêcher l'évangile ouvre une certaine porte et les démons entrent dans nos vies. Yeah. Oui. All churches that are not preaching the gospel have demons flooding into the church. Dans toutes les églises où l'évangile n'est pas prêché, il y a des démons qui ont inondé ces églises là. How many churches do you know that are evangelists? Combien d'églises est-ce que vous connaissez qui ont des évangélistes? Most churches are not into evangelism. Beaucoup d'églises ne font pas l'évangélisation. Hein? Hein? And what is happening in America? Homosexuality, poverty. Oh, they said they are preaching prosperity. Everybody is poor. Everybody is in debt. Everybody is sick. More demons. One preaching of gospel, we won't preach again. So many evils come to follow, enter in. Qu'est-ce qui se passe à l'église aux États-Unis? Ils ne prêchent pas l'évangile maintenant. Il y a l'homosexualité, la pauvreté, et maintenant tout le monde est en dette, bien qu'ils prêchent la prospérité. Yes. Oui. You refuse to serve the Lord. Tu refuses de servir l'Éternel. More things are coming. Il y a beaucoup de choses qui te reviennent. More. Beaucoup. More. Beaucoup. Yeah. Oui. You remove the preparation. You expose your feet. Parce que look, if you take off your feet and you walk your shoes now and you walk here. Quand tu marches pieds nus ici. Amen. You'll be surprised the animal you step on. Tu serais étonné quel scorpions, animal tu vas piétiner. Les scorpions. Snakes. Les serpents. We have a database. Nous avons photograph of every snake that we have ever caught here. Nous avons des when données. When you see, you'll be afraid. nous avons des données, des photos de tous serpents que nous avons attrapés ici. Si vous êtes intéressé, je vais vous montrer. Different types. Différents types. Even last week. Même la semaine passée. Yes. Oui. Yeah. Yesterday. Même. Yeah. Yeah. Wow. So better keep your shoes of the gospel on. Donc vous devez garder les chaussures de l'évangile sur les pieds. Don't expose your feet. N'expose pas tes pieds. So all pastors who stop preaching gospel. Les pasteurs qui ont arrêté de prêcher l'évangile have exposed feet. Ils ont des pieds exposés. And the demons look and say, wow. Les démons regardent et disent, wow. We are going in through the toes. Nous partons en lui, nous rentrons en lui à travers les orteils. That is why most of the time they wear boots, and they try sometimes for the boots to come up high. C'est pourquoi. So that if a snake bites, it will be. But sometimes the snake is able to bite above the boots. Parce que des fois, il porte les bottes. You will never be bitten by a snake in Jesus' name. Tu ne seras jamais mordu par un serpent au nom de Jésus-Christ. I said you will never be bitten by a snake in Jesus' name. Tu ne seras jamais mordu par un serpent au nom de Jésus. Disobedience. La désobéissance. Is a sin. C'est un péché. That opens your chest area. Qui ouvre. And exposes your chest. Ta poitrine, ça expose ta poitrine. To demons. Aux démons. Of different types. De différents genres. Disobedience. La désobéissance. Anybody, whatever the crime is, just decide I will not disobey again. Quelconque le crime tu as commis, il faut décider à partir d'aujourd'hui, tu ne vas jamais désobéir. Amen. Amen. And then, et puis, we are the shield of faith. Nous avons maintenant le bouclier de foi, de la Anybody foi. Anybody who puts aside faith, toute personne qui met à côté la foi, exposes yourself. Il a dit de s'exposer. A range of devils, les rangées des diables, especially poverty, surtout la pauvreté. And sickness. Et aussi les maladies. Faith churches, churches which believe in faith. Les églises de foi qui croient dans la Look, foi beaucoup. They are prosperous churches. Ils sont des églises prospères. Yes. Oui. All the faith people of Hagen. Toutes les Witness gens de Chapel. Foi. L'église de vainqueur. They are into, you see, prosperity, faith in prosperity la also brings prosperity. La foi dans la prospérité amène la prospérité. Those who set aside faith, they don't prosper. Ceux qui mettent la foi à côté ne prospèrent pas. It's not a wrong message. C'est pas un message mauvais. But it's not a message that can replace preaching the gospel. Et ce n'est pas aussi un message qui peut remplacer prêcher l'évangile. If you put aside faith, si a set of demons will come. Si tu mets à côté la foi, un groupe de démons vont venir. If you put aside the preparation of the gospel, another set of demons will come. Quand tu mets à côté aussi l'évangile, un autre groupe de démons va venir. So when you take on the gospel shoes, donc quand tu prends les chaussures de l'évangile, do not set aside faith. Ne mettez pas de côté la foi. Have faith in God that God will bless you. Ayez foi en Dieu que Dieu va vous bénir. Have faith that God will heal you. Ayez foi que Dieu va te bénir et te guérir. Have faith that you will prosper and be in health. Ayez foi que tu vas prospérer et tu seras en bonne santé. Don't put it aside. Ne mettez pas ça à côté. Yes. Oui. All those who put faith aside, toutes les personnes qui ont mis la foi à côté, are exposed, sont exposées to difficulty, aux difficultés. Yes. Oui. You must believe. Tu dois croire in prosperity, dans la prospérité. Yes. Oui. I wish above. There is nobody serving God in the Bible who did not prosper. There's nothing like that. Il y a personne qui a servi Dieu dans la Bible et il n'a pas prospéré. Il y a rien comme ça dans la Bible. There's nothing like that. Il y a rien comme ça dans la Bible. Was it Abraham? C'était Abraham. Isaac. Isaac. Jacob. David. Solomon. Salomon. No. No. Everybody. Toute personne who served God, qui a servi Dieu, was blessed. Il était béni. Experienced prosperity. Il a expérimenté la prospérité. Prosperity is, the Bible says the source of riches. La Bible is the blessing of the Lord. La Bible dit la source des richesses c'est la bénédiction de l'Éternel. Blessing of the Lord, it makes us rich. La bénédiction éternelle, c'est ça qui enrichit. So me, I believe in the gospel and I spend all my time preaching the gospel. But I believe in prosperity. There's nothing poor here. Je crois dans l'évangile et je crois aussi dans la prospérité parce qu'il n'y a rien de pauvre autour de nous ici. There will be nothing poor seen in your life in Jesus' name. Rien de pauvre ne sera vu dans ta vie à partir d'aujourd'hui. You know, before we started the session, I was meeting with the pastors. Avant de commencer la session, j'avais une réunion avec les pasteurs. Suddenly, I felt God was giving cars, because I was just looking and I said, "No, cars are coming." And I said, "Father, give the cars. Yes. You will never lack. Amen. You will never lack. Tu ne seras jamais dans le manque. Whatever poverty has followed you." Up till now, toute genre de pauvreté qui t'a fait suivre jusqu'à maintenant, your struggles are coming to an end. Tu les luttes se terminent aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Don't put down your shield of faith. Il ne faut pas déposer le bouclier de la foi. Don't put it down. Il ne faut pas déposer ça. Me, I believe God raise up people. Je crois que Dieu va élever les gens qui vont amener l'argent à moi to do the work. Pour faire l'œuvre. Moi, j'utilise mon argent and pour faire le travail. Me even, one day, I saw businessmen were not financing the ministry, and I said, "Lord, anoint me to be a financier." Une fois, and he has done that. Oui, une fois j'ai constaté que les hommes d'affaires ne finançaient pas l'évangile. J'ai dit, Seigneur, oins-moi afin que je finance l'œuvre de Dieu. One of the areas that God uses me is to finance the church. Et une des choses que Dieu est en train de m'utiliser de faire, it's a private ministry. C'est un ministère privé. It's a private ministry. Un ministère privé. Dieu m'utilise pour financer l'église. I am walking and enjoying prosperity. Je marche et je me réjouis dans la prospérité. That will be your testimony too. Ça sera ton témoignage aussi. Amen. Amen. Don't, if you put preaching of the gospel aside, a type of demon that can come from that side will come. If you put the shield of faith, another type will come. Quand tu mets la prédication de l'évangile à côté, un groupe de démons va venir. Tu mets le bouclier de la foi, un autre genre de démon aussi va venir. Don't expose your feet. Tell somebody, don't expose your feet. Dis à quelqu'un, n'expose pas tes pieds. The next, getting to the end now. Don't expose your head. N'expose pas ta tête. By removing the helmet of salvation. Il ne faut pas aussi enlever le casque du salut. Today, aujourd'hui, the topic salvation, le thème du salut, has been thrown out of the church. A été jeté en dehors de l'église. You can only expect evil spirits to come into the church. Tu peux espérer seulement que les mauvais esprits entrent dans l'église. Yes. Oui. When I go and I preach the gospel, people will be saying, "Oh, you know, you just preach the gospel. We don't hear this kind of thing." And I'm asking myself, what are we supposed to preach? Is it not the gospel? Quand je pars dans des églises, je prêche l'évangile, le salut, il me dit, ça fait longtemps qu'on entend les choses comme ça, mais vous voulez que je prêche quoi? Je dois prêcher l'évangile et le salut. Is it not amazing? Est-ce que ce n'est pas étonnant? I have a new book called How to Preach the Gospel. J'ai un nouveau livre. And that is about salvation. Comment prêcher l'évangile? Et ça, over 100 chapters, every chapter is a salvation message. Et dans ce livre, il y a plus de 100 chapitres et chaque chapitre parle de salut. Every pastor must be a salvation expert, because the foundation of everything is salvation through the blood of Jesus Christ. La fondation de ce que nous sommes en train de faire, c'est le salut à travers le sang de Jésus Christ. You cannot put aside salvation and have a good church. Tu ne peux pas négliger. What are you talking about? Le salut et avoir une bonne église. Tu parles de quoi? There are so many problems. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes that cannot be solved. Qui ne peuvent pas être résolus in the church. Dans l'église. Amen. Amen. Last but one, the sword of the spirit. Don't put down the sword of the spirit, which is the word of God. Ne mette pas à côté aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. It says, and take the sword of the spirit. Et prenez l'épée de l'esprit. Yes. Oui. Jesus Christ did never put down the sword of the spirit. Jésus-Christ n'avait jamais déposé l'épée. When Satan came to him, quand Satan était venu à lui, Jésus-Christ took out the sword. Il a pris l'épée. The word of God. La parole de Dieu. And he gave Satan a deadly blow. Et il a donné Satan un coup de poing mortel. It wasn't easy for Satan at all. Ce n'était pas facile pour le diable. Three temptations are going to come your way. Trois tentations qui vont venir vers Number toi. One, premier, temptation for a shortcut. Tentation pour les raccourcis. Satan tempted Jesus for a shortcut. Satan a tenté Jésus pour faire des raccourcis. When you remove the sword, quand tu fais sortir l'épée, he will go back with that temptation. Il va reculer avec sa tentation. Number two, your flesh. Deuxième, c'est ta chair. He will say, try this. Il va dire, essaye ça. When you remove your sword, quand tu fais sortir ton épée, he will go back. Il va reculer. Number three, troisième chose. It will tempt you to misuse your power, jump from the mountain and show people that you are wild. Il veut te tenter de mal utiliser ta puissance, ton pouvoir, ton autorité pour montrer aux gens que tu es là, toi, si tu es quelqu'un. But through the sword, mais à travers l'épée of the spirit, de l'esprit, you set him running away. Tu vas mettre le and diable. And finally, the last part, finalement, la dernière, the armor of God is prayer. C'est la prière, c'est une arme de it Dieu. Says, and praying always. Il dit et priant tout with le temps. All prayers avec toute prière and supplication et de supplication in the spirit. En esprit. And watching thereunto with all perseverance. Veillez aussi avec toute persévérance. So the last part of the armor is prayer. Donc la dernière so prayerlessness part, opens a major gap. Manque de prière aussi ouvre un certain espace majeur. Yes. Oui. Not praying opens a door big time. Ne pas prier ouvre une grande porte. So telling lies opens the door. Mentir ouvre une porte. Unrighteousness, sin opens the door. L'injustice, le péché ouvre une porte. Not preaching the gospel opens the door. Ne prêchez pas l'évangile ouvre une porte. Not teaching salvation, not emphasizing salvation. Testimonies are not about salvation in churches. Testimonies are about money and jobs. N'enseignant pas it les. It opens the door to demons. Aujourd'hui, les témoignages dans nos églises n'est pas de salut, mais ce sont des boulots, des choses. Ça ouvre les portes pour les démons. I am happy when my children are giving testimonies of how they have been saved and changed. Je suis content quand mes enfants donnent témoignage de comment ils ont été changés et sauvés. Not emphasizing salvation opens the doors to demons. Quand on ne met pas accent sur salut, ça ouvre les portes pour les démons. Not having faith and emphasizing faith opens the door to devils of poverty, sickness and all kinds of tragedies. N'ayant pas la foi ou mettant l'accent sur la foi, ça ouvre la porte pour les démons de pauvreté et les maladies. Not emphasizing the word of God. You see, what I'm teaching you is the word of God, not ideas. Ce que je vous prêche, c'est la parole de Dieu, pas mes idées. Opens the door to a whole range of demons. Quand on ne prêche pas la parole, ça ouvre une porte pour des démons de toutes sortes de catégories. And not praying. Et ne priant pas. Opens the door. So when you see somebody who's not praying, it's wide open. Quand tu vois wide quelqu'un open. Qui ne prie pas, sa porte wide est ouverte. Open. Wide. Largement ouverte. Wide. Largement. Wide open. Largement ouverte. Evil spirits. Les esprits mauvais. From today. À partir d'aujourd'hui. Any aspect of your life. Tout aspect de ta vie. Which is exposed. Qui a été exposé. Is declared covered. Je déclare c'est couvert. Jesus name. Au nom de Jésus. How many are going to put on your belt of truth? Combien vont porter la ceinture de vérité? Yes. Oui. How many realize that your breastplate of righteousness is broken? Combien aussi voient que la cuirasse de justice. Rehabilitation. Ça a besoin de welding. Tu dois souder la cuirasse de justice parce que c'est brisé. Replacement. Tu dois remplacer la cuirasse. Yes. Oui. Do you think the topic of salvation is a weak topic? Tu penses que le thème de salut c'est un thème faible? It's a wonderful topic. C'est un thème merveilleux. I am glad I am also an evangelist. Je suis ravi que je suis évangéliste. Preach about salvation. Prêcher sur le salut. Pure salvation. Salut pur. Most of the testimonies in the First Life Church are about pure salvation. Not money. Témoignages de First Love. Not money, job. I got a job. I got money. I got promotion. I got money. I got a job. I got pure salvation. Les témoignages de mon église, ce sont des saluts. C'est pas j'ai eu boulot, j'ai eu l'argent, j'ai eu boulot, j'ai eu l'argent. C'est de salut pur. Yeah. Oui. Salvation will never be an unimportant topic because Jesus Christ came into this world to bring salvation to mankind. Le salut ne sera jamais un thème pas important parce que Jésus est venu dans la, sur la terre pour amener salut au peuple. Do you see in the Bible, put on the helmet of prosperity? Vous avez vu dans la Bible, mettez le casque de prospérité? Do you see in the Bible, put on the breastplate of financial stability? Vous avez vu dans la Bible, il a dit de mettre les cuirasses de stabilité financière? The helmet of salvation. C'est le casque de salut. Did he say, put on your feet the preparation of the foundation of your house? Est-ce qu'il a dit de mettre les chaussures de la préparation des fondations de ta maison? No. So these are what open. And you can see in your life. Tu vas voir dans ta the vie. Door is open. Une porte est ouverte. Yes. Oui. You see somebody 1 week you have not prayed for 2 hours or 3 hours. Tu vois quelqu'un une semaine. A week has passed. Une semaine vient de passer. Tu n'as même pas prié pour 1 heure, 2 heures. And you want your church to grow. Tu veux que ton église croître. Hein? Demons rather are coming more to C'est your life. C'est plutôt les démons qui entrent dans ta vie. From this camp meeting. Après ce camp, demons are going to find it very difficult to be in your life. Les démons vont trouver ça difficile d'entrer dans ta vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lift your hand and thank God. Élevez les mains et remerciez Dieu. Demons are permanently blocked. Out of your life. Les démons sont permanemment bloqués de ta vie. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Just thank God right now. Remercions le Seigneur maintenant. Thank God right now. Remercions le Seigneur maintenant. For His word. Pour sa parole.